s'effondrer ensemble vers l'écoliberté. Par Jem Bendel. Chapitre 3. L'effondrement énergétique et les problèmes de l'objectif zéro émission nette. J'avais tort à propos d'Elon. Ou, pour être plus précis, je me suis trompé sur Tesla, le fabricant de voitures, pas le physicien. En 2007, j'ai inclus Tesla Motors dans un rapport rédigé pour le WWF en tant que l'une des quelques entreprises qui, selon moi, allait façonner notre avenir. J'étais particulièrement impressionnée par la façon dont cette dernière s'attaquait aux préjugés concernant les véhicules électriques. Elle se donnait une image de constructeur de voitures de sport luxueuses pour modifier ses perceptions. Je lisais qu'Elon Musk se fichait de voir des millionnaires conduire des voitures de sport électriques et qu'il était plus intéressé par la transformation de l'industrie automobile dans son ensemble. J'ai aussi conduit une étude de cas sur l'entreprise dans un article scientifique où je présentais ma théorie de la perturbation élégante. Exercée par certaines entrepreneurs-entrepreneuses sur des secteurs économiques entiers. Toutefois, je n'ai pas examiné de près la question de savoir s'il serait possible de garder autant de voitures individuelles sur les routes et avec une utilisation aussi intensive si l'on remplaçait ces voitures par d'autres ayant troqué leurs moteurs à combustion pour des moteurs électriques et des batteries. Au lieu de cela, je me suis contentée de m'émerveiller de l'expansion de Tesla Motors et de l'évolution rapide de l'attitude des fanatiques brûleurs de carburant dans mon entourage. Si j'avais voulu m'enrichir, j'aurais pu être un très bon investisseur individuel. Mais je ne peux qu'être jaloux de mes amis qui ont lu mon rapport et qui, contrairement à moi, avaient un compte en bourse. Les recherches effectuées pour ce livre m'ont permis de découvrir que mon enthousiasme passé pour les voitures électriques n'avait pas lieu d'être. Je sais maintenant qu'elles ne permettent pas de résoudre le problème de la mobilité individuelle lorsque cette dernière implique de charrier un énorme morceau de métal autour de soi à chaque déplacement. Son empreinte écologique, représentée par les besoins en ressources et en énergie qui en découlent, est tout simplement gigantesque. En m'intéressant aux types de métaux plus rares qui sont requis pour les batteries ainsi qu'à l'énergie nécessaire, j'ai compris que le monde du futur ne sera pas un monde où chacun, chacune conduit sa propre voiture électrique, volante ou non. Et ce, même si les gouvernements voulaient que ce monde advienne et s'ils étaient élus pour le bâtir. En effet, c'est physiquement impossible. Pire encore, l'image sexy et branchée des voitures électriques perpétuent en fait la promesse frauduleuse d'un avenir éco-moderne. Dans ce chapitre, nous verrons que, pour les sociétés modernes, il n'y a pas d'autre issue qu'une forte réduction de notre consommation d'énergie, avec tout ce que cette diminution implique sur la satisfaction de nos besoins fondamentaux, sans même parler des attentes engendrées par notre culture de consommation de masse. Le facteur qui distingue réellement les sociétés de consommation industrielle de toutes les autres sociétés connues, actuelles et passées, est celui de la consommation d'énergie. Et c'est justement cette consommation qui est à l'origine de tant de problèmes qui nous affligent. Mes recherches sur cette base des sociétés modernes m'ont permis de prendre conscience de quatre vérités fondamentales. Premièrement, dans les sociétés de consommation industrielle, l'activité économique est inextricablement liée à la consommation d'énergie, dont la plus grande partie provient des combustibles fossiles. Deuxièmement, la manière dont ces sociétés organisent actuellement les activités de production implique qu'il n'est pas possible de réduire de manière significative la consommation d'énergie sans provoquer d'énormes perturbations ainsi qu'une baisse du niveau de vie. Troisièmement, le remplacement des combustibles fossiles par d'autres sources d'énergie n'est pas technologiquement, économiquement ou politiquement faisable au rythme nécessaire pour enrayer le chaos climatique. Quatrièmement, parce que les systèmes monétaires expansionnistes nécessitent une augmentation de la demande énergétique, Les sociétés modernes subissent déjà les effets d'une baisse de la production mondiale de pétrole brut depuis 2015. Nous en avons observé les symptômes au chapitre 1. La fin de l'ère du brut bon marché est donc l'un des facteurs de rupture des sociétés modernes. Si ces quatre vérités sont si brutales, c'est parce qu'elles révèlent que notre mode de vie ne peut plus durer et qu'il est déjà en déclin, et que tout cela est lié à la production et à la consommation d'énergie. Les sociétés modernes et leur consommation d'énergie démesurée. Toute société humaine a besoin d'une énergie importante pour développer et maintenir les structures et processus complexes qui la définissent en tant que telle. Selon Arnold Toynbee, l'un des plus éminents historiens des sociétés passées, maintenir en l'état la structure et les fonctions complexes des sociétés urbaines représente un véritable fardeau énergétique qui finit par conduire à leur chute. Par le passé, pour se développer et perdurer, ces dernières dépendaient principalement de l'énergie humaine, travailleurs, travailleuses libres, esclaves et armées, de l'énergie animale, bêtes de somme, de la biomasse, par exemple du feu de bois, et de l'énergie du vent et de l'eau, par exemple les voiliers, les moulins à vent et les moulins à eau. Les sociétés industrielles se distinguent par le fait qu'elles ont été les premières à utiliser les combustibles fossiles à grande échelle, d'abord le charbon, puis le pétrole et le gaz naturel fossile, pour se développer et se maintenir dans le temps, bien que les sociétés anciennes aient fait un usage modéré du charbon, comme nous le verrons au chapitre 9. On ne saurait trop insister sur l'extraordinaire rendement énergétique de ces carburants fossiles. Un baril de pétrole produit l'énergie équivalente à environ 24 000 heures de travail humain et, à l'heure où j'écris ces lignes, nous utilisons environ 100 millions de barils de pétrole par jour. Mais il ne s'agit là que du pétrole. Si l'on combine le pétrole, 31,2%, le charbon, 27,2%, et le gaz naturel fossile, 24,7%, les combustibles fossiles représentent 83,1% de la consommation totale d'énergie primaire dans le monde. Le reste se compose de l'hydroélectricité, 6,9%, des autres énergies renouvelables, 5,7%, et du nucléaire, 4,3%. La consommation mondiale de combustibles fossiles équivaut à au moins 800 milliards d'êtres humains travaillant 8 heures par jour. C'est comme si chaque personne sur la planète avait 100 esclaves fossiles travaillant sans relâche pour répondre à tous nos besoins et désirs. Cependant, comme vous le savez, ce n'est pas ainsi que fonctionne notre monde inégal où chaque Haïtien-Haïtienne possède un seul esclave fossile, l'États-Unien-États-Unienne moyen-moyenne en a 300 et une personne moyenne vivant à Bahreïn, 460. Les combustibles fossiles ont donné naissance, en apparence, à une sorte d'utopie énergétique, inimaginable même pour les empires pré-industriels les plus ambitieux. Un être humain adulte peut fournir environ 100 kWh de travail par an en utilisant ses jambes pour marcher ou courir, ou seulement 10 kWh de travail par an en utilisant ses bras pour creuser ou soulever. Mais 10 kWh peuvent aussi être produits par un seul litre d'essence, ce qui équivaut à peu près à l'énergie fournie par un être humain passant une année entière à creuser le sol. Avec un seul litre d'essence, une Toyota Corolla moderne peut transporter 4 passagers-passagères sur 14 km dans un confort climatisé en 4 minutes environ. Mais si la voiture tombait en panne et que ces 4 personnes devaient la pousser sur la même distance, cela leur prendrait au moins 7 heures sur terrain plat, et ce serait vraisemblablement impossible sur terrain vallonné. Il est probable que cette hypothétique famille abandonnerait la voiture pour continuer à pied. Cette petite histoire me permet de souligner à quel point il est coûteux, d'un point de vue énergétique, d'emporter plus d'une tonne de métal partout où l'on va. Presque tous les aspects du mode de vie et de l'économie des sociétés de consommation industrielle reposent sur l'extraordinaire rendement énergétique des combustibles fossiles. Alimentation, logement, santé, éducation, transport, fabrication industrielle, loisirs. Tout ce qui définit les sociétés de consommation industrielle en tant que telles est rendu possible par l'énergie, et plus de 80% de cette énergie provient des combustibles fossiles. Cet incroyable rendement explique en grande partie leur attrait, leur coût explique le reste. Aussi ridicule que cela puisse paraître, techniquement, ces carburants ne coûtent rien. Par convention, les économistes considèrent que toutes les ressources naturelles, non seulement le pétrole, le charbon et le gaz naturel ou fossile, mais aussi les poissons, les forêts, l'eau douce ou le sol, sont infinies. Leur coût est donc supposé nul. C'est le cas depuis que Jean-Baptiste Say a publié son traité d'économie politique en 1803. À l'époque où lui et ses contemporains élaboraient les théories économiques qui constituent encore aujourd'hui la base de nos sociétés modernes, la population mondiale comptait moins d'un milliard d'habitants et les ressources de la planète leur semblaient illimitées. Le seul coût économique significatif qu'il voyait associé à l'exploitation des ressources naturelles était le capital nécessaire pour les extraire, travail humain, outils et infrastructures. Les ressources elles-mêmes étaient considérées si abondantes que leur approvisionnement était réputé infini et donc supposément gratuit. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'absurdité du concept d'une croissance infinie sur une planète finie? Cette convention économique historique est au cœur du problème. Depuis plus de 200 ans, le modèle macroéconomique standard, sur lequel se basent d'innombrables analyses, rapports, livres, traités, modèles et perspectives, n'associe aucun prix aux ressources naturelles et ne reconnaît aucune limite à celles-ci. Deux siècles et près de 7 milliards d'êtres humains supplémentaires plus tard, ce concept absurde est toujours à la base de notre système économique. Et ce, alors même que nos ressources naturelles sont en déclin précipité et que, comme le dit si bien Richard Heinberg, nous avons atteint le peak everything. L'expression est calquée sur celle de peak oil ou peak pétrolier, c'est-à-dire le point où la courbe d'extraction mondiale du pétrole atteint son niveau maximal avant de connaître par la suite un déclin dû à l'épuisement progressif des ressources contenues dans le sous-sol terrestre. La suite du chapitre revient sur cette notion plus en détail. L'énergie et l'économie ne peuvent être découplées. L'extraordinaire rendement énergétique des combustibles fossiles et le faible coût énergétique de leur extraction ont rendu les sociétés modernes aveugles à leur propre consommation d'énergie. En effet, l'économie des sociétés de consommation industrielle est inextricablement et causalement liée à l'énergie. Comme le dit Václav Smil, professeur d'écologie, l'énergie, c'est l'économie. Cela signifie que depuis qu'il existe des archives, les sociétés modernes se sont développées et contractées en fonction du prix et de la disponibilité de l'énergie, et que ce lien est causal, pas seulement corrélatif. Un champ d'études tout entier, la thermoéconomie, se base sur la reconnaissance de cette relation. Mais notre dépendance à l'égard d'une énergie abondante et bon marché rend les sociétés modernes sensibles aux variations de l'offre et du coût de cette énergie. Par exemple, l'économiste Nate Higgins, spécialisé dans les questions énergétiques, a montré que si la traite manuelle des vaches est insensible aux augmentations modestes des coûts de l'énergie, il suffit d'un simple doublement de ces coûts pour que la traite high-tech, perde son avantage économique. Ce cas de figure est représentatif d'une grande partie du travail productif effectué dans les sociétés modernes. En effet, pour que la mécanisation et la production de masse constituent le choix le plus rentable, ce travail doit être réalisé par des machines alimentées par une énergie suffisamment bon marché. À plusieurs reprises au cours des 50 dernières années, notre aveuglement collectif s'est temporairement dissipé, nous permettant d'apercevoir le socle d'hydrocarbures soutenant nos sociétés modernes. Les années 1970 ont été marquées par deux importants chocs pétroliers. Le premier a eu lieu en 1973, lorsque l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a proclamé un embargo pétrolier à l'encontre de pays soutenant Israël pendant la guerre du Kippour. L'embargo a entraîné une hausse de 400% du prix du pétrole en quelques jours. Une grande partie de l'économie mondiale s'est trouvée plongée dans la récession et de nombreux pays de l'OCDE ont fait face à une combinaison inédite de forte inflation et de chômage élevé appelée stagflation. Le second choc s'est produit en 1979 lorsque la révolution iranienne a réduit les exportations de pétrole de l'Iran d'environ 75%. Il a suffi que l'offre mondiale baisse de 4% seulement pour que la réaction du marché fasse plus que doubler les prix de ce carburant. Ensuite, il y a eu le choc pétrolier des années 1990, suivant l'invasion du Koweït par l'Irak, ce que l'on a appelé la troisième crise pétrolière de 2003 à 2008, qui a entraîné des pénuries d'énergie et des troubles civils dans des pays aussi divers que le Royaume-Uni, le Myanmar, l'Argentine et le Tadjikistan. Et la crise énergétique qui a débuté en 2022, résultant des restrictions d'approvisionnement à la suite de la pandémie de Covid-19 et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et qui a fait peser des menaces sur la production alimentaire future en raison des impacts sur les prix des engrais. Étant donné que les combustibles fossiles couvrent plus de 80% des besoins énergétiques mondiaux, la relation entre le PIB et l'énergie est également une relation entre le PIB et les émissions de carbone. Les seules périodes de l'histoire récente ayant connu des baisses d'émissions mondiales de gaz à effet de serre ont été celles où des pans entiers de l'économie mondiale se sont vus frappés par des crises économiques. Cela s'est produit suite à l'effondrement de l'URSS, une chute de 2,9% en 1992 qui s'est inversée en 2 ans, après la crise financière mondiale de 2008, une chute de 1,4% en 2009 qui s'est inversée quelques mois après le début de l'année 2010, et plus récemment, pendant la pandémie de Covid-19, une chute de 5,1% en 2020 qui s'est presque entièrement inversée en 2021. Par coïncidence, la baisse induite par la pandémie en 2020 correspondait exactement à la baisse annuelle nécessaire pour atteindre l'objectif de 1,5 degré Celsius fixé par l'accord de Paris sur le climat, c'est-à-dire une baisse des émissions d'environ 50% d'ici à 2030 en vue d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Mais cette baisse des émissions s'est faite au prix d'une contraction de l'économie mondiale, qui a eu un impact très profond. Au moins 120 millions de personnes sont retombées dans l'extrême pauvreté en 2020, ce qui constitue la première augmentation des taux d'extrême pauvreté depuis une génération. Le problème est que pour atteindre des objectifs climatiques internationaux fixés à Paris en 2015, cette baisse de 5% des émissions en 2020 aurait dû se poursuivre, c'est-à-dire que l'activité économique alimentée par les combustibles fossiles aurait dû rester à ce niveau. Une baisse supplémentaire de 5% aurait ensuite dû se produire en 2021, soit le double de la réduction de l'activité économique en 2020, puis une nouvelle baisse de 5% chaque année suivante, pendant 10 années consécutives. Si une année de réduction a été difficile à supporter, à quoi ressembleraient 2, 3, 5 ou 10 années consécutives? L'économie mondiale serait dévastée. Des milliards de personnes seraient plongées dans la pauvreté avec toutes les souffrances et l'instabilité politique que cela engendrerait. Cela signifierait la fin de la vie telle que nous la connaissons dans les sociétés modernes, c'est-à-dire un effondrement. Les réponses dont la plupart d'entre nous ont déjà entendu parler consistent à découpler le PIB de l'énergie grâce à la technologie et à décarboner le reste de la demande d'énergie. Il s'agit d'objectifs que j'ai défendus pendant des décennies dans le cadre de mes travaux antérieurs sur la durabilité des entreprises. Malheureusement, les recherches effectuées dans le cadre de ce livre m'ont de nouveau alerté sur les perspectives peu encourageantes concernant ces deux objectifs. D'après l'une des plus grandes études sur le potentiel de découplage entre l'énergie et le PIB, il y a peu de précédents en matière de découplage absolu et les tendances mondiales actuelles vont dans la direction opposée. Les chercheurs-chercheuses ont pointé du doigt les effets rebonds comme l'une des causes de cette situation. Un rebond direct s'observe quand une technologie consommatrice d'énergie gagne en efficacité énergétique, car elle devient moins coûteuse à utiliser, de sorte qu'on l'utilise plus souvent. Il y a ensuite un rebond indirect, lié à la façon dont on dépense l'argent épargné grâce aux économies d'énergie. Par exemple, une maison isolée peut permettre de réduire les factures de chauffage. Les habitants-habitantes laissent alors le chauffage central allumé plus tard dans la nuit qu'auparavant ou utilisent l'argent économisé sur leurs factures pour s'offrir des vacances à l'étranger. Une étude importante examinant les effets rebonds à l'échelle de pays entiers a révélé qu'ils érodent plus de la moitié des économies d'énergie escomptées du fait de l'amélioration de l'efficacité énergétique. Les auteurs-autrices ont également conclu que ces processus ont été négligés par les modèles informatiques d'évaluation intégrée qui ont été utilisés pour nous informer de la situation. Dans le langage si frustrant et plein d'euphémismes du monde universitaire, cette équipe de recherche affirme que les scénarios énergétiques globaux sous-estiment possiblement le taux futur de croissance de la demande énergétique mondiale. D'autres chercheurs-chercheuses ont été plus francs, franches, et ont souligné que le processus d'amélioration de l'efficacité énergétique conduit presque toujours à une augmentation de la consommation d'énergie et non à une diminution. C'est ce que l'on a appelé le paradoxe de Jevons, du nom de l'expert qui a écrit un livre sur ce phénomène en 1865. Il y notait qu'il est tout à fait confus de supposer que l'utilisation parcimonieuse d'un carburant équivaut à une diminution de sa consommation. C'est tout le contraire qui est vrai. Cette observation, ancienne et maintes fois confirmée, m'avait échappé tout au long de mes décennies de travail dans le domaine du développement durable des entreprises. Je dois admettre que cela m'a donné à réfléchir. J'ai réalisé à quel point la communauté professionnelle et intellectuelle au sein de laquelle je travaillais tenait à distance, systématiquement, toute information qui ne s'alignait pas sur l'idéologie voulant que les entreprises et le capitalisme puissent être réformés à temps pour garder les sociétés modernes en état de marche. Mais si nous ne pouvons découpler efficacement le PIB et la consommation d'énergie au sein du système économique existant, nous pourrions au moins décarboner l'énergie elle-même. Malheureusement, en examinant cette question de plus près, j'ai fait d'autres cruelles découvertes. La décarbonation ne nous sauvera pas. Cette absence de découplage entre le PIB et l'énergie explique pourquoi la consommation mondiale d'énergie a fortement rebondi en 2021, au point d'être aujourd'hui supérieure au niveau de 2019, avant la pandémie de Covid-19. Les analyses de l'industrie énergétique prévoient que si les sociétés ne subissent pas d'autres perturbations importantes, la demande d'énergie augmentera de 50% d'ici à 2050 par rapport à 2020. Compte tenu de cette énorme demande et des conséquences environnementales auxquelles beaucoup d'entre nous sont désormais sensibles, Nous entendons souvent parler ces dernières années de la transition vers les énergies renouvelables des sociétés modernes. Si l'on en croit le marketing des entreprises énergétiques et l'enthousiasme de certaines organisations écologistes, on pourrait penser que cette transition est en bonne voie, que les combustibles fossiles appartiennent de plus en plus au passé et qu'un avenir vert et radieux nous attend en matière d'énergie renouvelable. Hélas, rien de tout cela n'est vrai. Il est exact que la production d'énergie à partir de sources non fossiles augmente dans le monde entier et que, depuis 2018, le coût de production de certaines formes d'énergie renouvelable est égal ou inférieur à celui des combustibles fossiles. Voilà qui est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que cela ne signifie pas que les besoins énergétiques futurs des sociétés modernes seront satisfaits, ni que les combustibles fossiles seront remplacés. Lorsque l'on parle d'énergie renouvelable, il s'agit en fait d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable, telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'eau mue par la gravité, hydroélectricité et énergie marémotrice, et l'énergie géothermique. Certaines aiment également inclure l'énergie nucléaire dans cette définition. Cependant, l'énergie nucléaire requiert une exploitation minière. Je la place donc dans une catégorie distincte. Il est évident que l'électricité n'est pas une source d'énergie, mais qu'elle est produite à partir de sources d'énergie primaires telles que le charbon, le gaz et le pétrole, la fission nucléaire et les sources renouvelables énumérées ci-dessus. Nous pouvons être un peu omnubilés par l'électricité, bien qu'il s'agisse d'une forme d'énergie familière utilisée par la plupart des gens dans les sociétés modernes, elle représente 43% de la consommation d'énergie des ménages aux États-Unis, par exemple. Rappelons qu'elle ne représente en fait qu'une petite partie de la consommation finale totale d'énergie dans le monde, à peine 20%. Comme un iceberg, la grande majorité de la consommation d'énergie des sociétés de consommation industrielle est cachée sous la surface, utilisée hors de la vue de la plupart des consommateurs-consommatrices par les industries de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'exploitation minière, de la construction, de l'industrie manufacturière et des transports. Sur les 20% d'énergie qui sont bel et bien consommées sous forme d'électricité, la part générée à partir de sources renouvelables n'est actuellement que de 30%. L'électricité produite à partir de sources renouvelables ne représente donc que 6% de l'utilisation finale totale d'énergie dans le monde. Oui, il s'agit d'une fraction infime de la consommation mondiale d'énergie. La contribution des énergies renouvelables est donc encore faible par rapport à la demande. Par exemple, l'augmentation de la demande mondiale d'électricité en 2018 à elle seule a été supérieure à la totalité de la capacité historique fournie par les installations d'énergie photovoltaïque. Les énergies renouvelables ont donc progressé moins vite que la demande d'énergie. Sur la base des tendances actuelles, et en l'absence de nouvelles ruptures sociétales, la proportion de l'utilisation totale d'énergie générée à partir de sources renouvelables devrait presque doubler entre 2020 et 2050, passant de 15% à 28%. Cette augmentation de l'usage des énergies renouvelables, si louable soit-elle, ne représente encore que la moitié environ de l'augmentation totale de la consommation mondiale d'énergie qui connaît une croissance rapide. On va donc continuer à utiliser de plus en plus de charbon, de pétrole et de gaz. En d'autres termes, nous ne sommes pas en train d'opérer une transition vers les sources d'énergie renouvelables. Celles-ci ne constituent qu'un simple ajout, tandis que l'emploi des combustibles fossiles se développe à un rythme plus rapide. C'est pourquoi il est absurde de prétendre que nous assistons à une telle transition. Nous assistons en fait à une croissance normale de l'utilisation des combustibles fossiles accompagnée d'un supplément d'énergie renouvelable. Une véritable transition vers les énergies renouvelables verrait l'utilisation des combustibles fossiles diminuer au fur et à mesure qu'ils seraient remplacés en tant que source d'énergie par des énergies renouvelables. Cela ne s'est pas produit jusqu'ici et, en toute vraisemblance, cela ne se produira pas. J'ai été surpris d'apprendre tout cela. Comme vous peut-être, je me réjouissais autrefois de voir apparaître des systèmes photovoltaïques sur les toits, ainsi que des parcs éoliens et solaires, et même des voitures électriques, car j'y voyais la preuve que la société se débarrassait enfin des combustibles fossiles. Je me suis trompé sur ce point, et sur Elon. Les voitures électriques ne constituent pas une réponse pertinente à la crise énergétique ou climatique, et contribuent en fait à entretenir un discours erroné qui, à long terme, conduira à une catastrophe sociétale et écosystémique encore plus grave. Pour saisir à quel point ce discours est délirant, examinons la voiture électrique sous un angle très concret. La production de véhicules électriques augmente et leur coût diminue. Mais, en 2020, à peine 1% du parc mondial de véhicules légers était alimenté par des batteries. Certes, toute transition doit bien commencer quelque part. Mais quel est le pronostic? Selon l'Energy Information Administration états-unienne, il y aura 240 millions de véhicules électriques sur les routes du monde d'ici 2040. L'organisme prévoit également que le nombre des véhicules conventionnels doublera au cours de cette même période, pour atteindre au moins 2 milliards. À moins d'une rupture sociétale, il pourrait donc y avoir deux fois plus de voitures à essence d'ici une vingtaine d'années. Les véhicules électriques, quant à eux, représenteront 11% du parc total. Il vaut la peine de se rappeler cette réalité, même avant de considérer la question du carburant nécessaire pour générer l'électricité de ces nouvelles voitures. Par exemple, si toutes les voitures étaient électriques au Royaume-Uni, cela nécessiterait une augmentation de 20% de l'approvisionnement en électricité du pays. La source de cette électricité est primordiale. Si une voiture électrique est conduite dans un pays où la production d'électricité est très polluante, comme en Pologne, il n'y a pas d'effet positif sur le climat. Mais les voitures électriques souffrent d'un autre problème, qui met en évidence un problème plus vaste en ce qui concerne l'hypothèse de la décarbonation. Il n'est tout simplement pas possible de fabriquer des véhicules électriques aux échelles imaginées. Pour que le parc automobile britannique, à lui seul, devienne entièrement électrique, il faudrait doubler la production annuelle mondiale de cobalt et presque toute la production mondiale de néodyme. Moi non plus, je n'avais jamais entendu parler de ce métal auparavant, mais il est apparemment crucial. Un groupe espagnol d'experts-expertes en énergie a conclu que la seule approche viable vis-à-vis des crises énergétiques et climatiques combinées impliquerait, je cite, « d'associer d'une part un passage rapide et radical à des véhicules électriques plus légers et à des modes de transport non motorisés, et d'autre part une réduction drastique de la demande totale de transport ». Fin de citation. Tout comme la consommation d'électricité domestique, les transports ne constituent que la partie émergée de l'iceberg de la demande énergétique des sociétés modernes. Le problème des minéraux essentiels dont les batteries ont besoin est bien plus vaste. En 2021, l'Agence internationale de l'énergie, AIE, a calculé qu'une transition énergétique mondiale visant à délaisser les combustibles fossiles augmenterait la demande de minéraux clés tels que le lithium, le graphite, le nickel, et les métaux de terre rare de, respectivement, 4200%, 2500%, 1900% et 700% d'ici à 2040. Le rapport de l'AIE note qu'actuellement, la capacité de production de matières premières à l'échelle mondiale est insuffisante pour répondre à cette demande. Qu'il n'est pas prévu de construire suffisamment de mines et de raffineries pour que cette demande puisse être satisfaite, et qu'une expansion aussi rapide de la production serait sans précédent et prendrait des décennies. Il ne s'agit donc pas d'une solution, et certainement pas d'une solution accessible au monde entier. Malheureusement, la situation est encore plus préoccupante que ce dont l'AIE, organisme pourtant sérieux, a rendu compte. En effet, elle n'a inclus dans ses calculs que les conséquences du passage des secteurs de l'électricité et des transports aux technologies renouvelables. Les autres secteurs, tels que l'industrie lourde, représentent des portions majeures de la demande mondiale d'énergie. Tout équipement servant à produire de l'énergie renouvelable dépend totalement des combustibles fossiles pour assurer sa fabrication industrielle, son installation, son fonctionnement quotidien et son entretien. Pour l'instant, il n'est pas possible de construire un barrage sans utiliser de carburants fossiles. Ils sont aussi essentiels pour extraire les minéraux, fondre les métaux ou fabriquer les composants des cellules photovoltaïques et des turbines. En d'autres termes, sans combustible fossile, il n'y a pas d'énergie hydraulique, solaire, éolienne, géothermique ou de biomasse, ni d'ailleurs d'énergie nucléaire. Cet avenir porté par les énergies renouvelables dont on nous dit qu'il nous sauvera des carburants fossiles est lui-même totalement dépendant de ces derniers. Et n'oublions pas que si certaines formes de production d'énergie renouvelable sont aujourd'hui si bon marché, c'est parce que les combustibles fossiles utilisés pour les fabriquer sont, jusqu'à présent, eux-mêmes demeurés bon marché. Les écomodernistes affirment que les différents problèmes que j'ai énumérés ci-dessus peuvent être surmontés grâce à la technologie, à condition que celle-ci bénéficie de soutien politique et financier. Par exemple, les progrès réalisés dans le domaine des batteries sodium-ion rendent désormais ces dernières compétitives par rapport aux batteries lithium-ion. Elles sont plus volumineuses et plus lourdes, mais leur fabrication est beaucoup moins coûteuse et destructrice. Il s'agit d'un développement prometteur, car il serait effroyable de tenter de passer aux énergies renouvelables en s'appuyant sur des batteries lithium-ion. Toutefois, la vitesse d'évolution de la technologie des batteries est si lente que le lithium devrait dominer pendant au moins la prochaine décennie. Le secteur des batteries, en particulier, présente une multitude de technologies émergentes que l'on peut toujours mettre en avant pour susciter des espoirs. Néanmoins, la grande majorité d'entre elles n'arrive jamais sur le marché, pour diverses raisons. Les écomodernistes avec lesquels je m'entretiens affirment également que de nouveaux systèmes de récupération et de réutilisation des métaux rares peuvent être mis au point, de sorte que tout ce qui est extrait pourrait être recyclé à l'infini. La question qui se pose alors est de savoir dans quelle mesure ce recyclage est faisable, tant sur le plan pratique qu'énergétique. Malheureusement, il n'y a guère de raison de se réjouir. Il est en effet aussi coûteux qu'énergivore de séparer les minéraux du reste des dispositifs dans lesquels ils sont installés, et de les séparer entre eux. Si les coûts sociaux et économiques de l'exploitation minière ne sont pas comptabilisés, cela signifie que le recyclage de ces métaux n'est pas rentable. Pour rendre le processus viable, des installations de traitement des déchets urbains bien plus avancées seraient nécessaires, ainsi qu'une chaîne de valeur considérablement plus évoluée dans son ensemble. Il est tout de même embarrassant que les infrastructures d'énergie renouvelable nécessitent des combustibles fossiles pour leur fabrication. En réponse à cela, certaines affirment désormais qu'un jour les énergies renouvelables elles-mêmes pourraient prendre le relais. Une source d'énergie comme le nucléaire, la géothermie ou l'énergie photovoltaïque pourrait être utilisée pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau. Ces derniers seraient ensuite brûlés pour libérer l'énergie explosive employée par différents processus industriels requis pour créer, transporter, installer et entretenir les équipements de production d'énergie renouvelable. Le fer et d'autres métaux pourraient être extraits par des procédés miniers, transformés en acier et forgés en s'appuyant sur d'intenses sources de chaleur issues de l'hydrogène, tirant leur origine de l'énergie solaire. Les différentes industries lourdes concernées ont toutes des projets pilotes, montrant comment elles pourraient éventuellement cesser d'émettre du carbone, toujours selon un ensemble d'hypothèses très irréalistes et avec des produits au coût exorbitant. Un exemple souvent cité est celui de l'acier vert, terme à la mode, qui semble supposer que la seule pollution émise dans la production d'acier provient des hauts fourneaux. L'entreprise suédoise SSAB s'efforce de produire son premier acier fossil free d'ici 2026. Cet acier sera au moins 20 à 30% plus cher, ce qui signifie que presque personne ne l'achètera sans mécanisme incitatif appliqué par les gouvernements, ce qui ne serait pas possible dans le cadre des règles commerciales existantes. Et même si des accords internationaux pouvaient être conclus, reste à savoir comment une telle hausse des prix affecterait la demande d'acier. Malgré tous ces obstacles, la croyance en une technologie capable de résoudre les crises énergétiques et climatiques constitue, pour certains certaines, un article de foi lié à leur identité. Il existe également beaucoup de capital risque, de financement d'entreprises et de fonds publics disponibles pour soutenir des projets pilotes et des recherches démontrant qu'il y a quelques miettes sur lesquelles nourrir ce fantasme. Ce sont mes amis de la Silicon Valley qui m'évoquent le plus éloquemment cette quasi-religion. Ces jours-ci, ils et elles ont tendance à mentionner de nouvelles formes d'énergie géothermique et marémotrice. Bien que l'énergie marémotrice semble une solution extrêmement judicieuse en tant que source d'énergie de base pour les pays côtiers, des études ont conclu qu'elle ne pourrait jamais fournir plus de 4% de la consommation actuelle. Certaines estimations ne dépassent pas même un dixième de ce chiffre. Les perspectives de l'énergie géothermique sont toutefois plus positives, si l'on prend pour argent comptant de nouvelles affirmations émises à propos des technologies en question. Si elles fonctionnaient correctement, une nouvelle technologie de forage, par gyrotron micro-ondes, permettrait de forer de manière plus rapide et moins coûteuse. L'un des défis est de parvenir à retirer des profondeurs du sol les roches vaporisées. Nous pouvons et devons espérer que toutes les difficultés seront surmontées. Mais en tout état de cause, il faudrait que cette source d'énergie soit moins chère que les combustibles fossiles ou qu'elle soit imposée par les pouvoirs publics pour être adoptée à grande échelle. Une étude estime qu'elle pourrait représenter jusqu'à 7% de l'énergie européenne d'ici à 2050. Au fil de nos recherches sur la crise énergétique, mes collègues et moi avons réalisé que nous avions été victimes d'un battage publicitaire. Dans mon cas, je pense que je voulais croire que la décarbonation par les énergies renouvelables était possible. Cette croyance m'a permis d'apaiser mon sentiment de culpabilité ainsi que mon anxiété en tant que membre de la société moderne. Il est difficile de faire face à la réalité. C'est pourquoi de nombreuses personnes se demandent si nous ne devrions pas choisir l'option nucléaire. L'option nucléaire. Avant même d'envisager cette option, il faut reconnaître qu'elle ne résoudrait pas le problème de la quantité de minéraux critiques qui serait nécessaire à la fabrication des batteries, jouant un rôle central dans une hypothétique économie entièrement électrique. Les écomodernistes évoqueront une échappatoire magique à ce problème. Imaginez que l'économie fonctionnera grâce à l'hydrogène produit par l'énergie nucléaire. Mais lorsque l'on examine le nucléaire de plus près, on découvre que lui aussi présente un problème de minéraux critiques qui lui est propre, dans la mesure où des métaux relativement rares sont utilisés dans la construction de la cuve et du cœur d'un réacteur. Des métaux si rares qu'ils portent des noms qui semblent inventés de toutes pièces. Le hafnium, le beryllium, le zirconium et le niobium. Quant au seul métal déjà bien connu qui entre en jeu dans cette source d'énergie, il pose également un problème pour l'expansion nucléaire. En effet, lorsque des personnes affirment que l'énergie nucléaire pourrait être la réponse à tous nos problèmes, nous devons nous demander s'il y a suffisamment d'uranium sur la planète pour couvrir les besoins du monde entier de cette manière. Un scientifique s'est penché sur cette question de manière approfondie. Comme le monde compte actuellement environ 440 centrales nucléaires en activité, il a calculé que sur la base de leur production actuelle, il en faudrait environ 15 000 pour alimenter l'ensemble de la planète en électricité. Il serait grand temps de les construire alors. Sauf qu'une telle démarche se heurterait à un certain nombre de problèmes. Au rythme actuel d'utilisation de l'uranium par les réacteurs conventionnels, les réserves mondiales viables d'uranium seront épuisées d'ici 80 ans. Si l'on augmentait la consommation d'uranium pour répondre aux besoins énergétiques actuels à l'échelle mondiale, les réserves seraient épuisées en moins de 5 ans. Les études portant sur l'extraction de l'uranium de l'eau de mer n'ont pas suffisamment porté leurs fruits pour résoudre ce problème. Le scientifique qui a effectué ces calculs, le docteur Derek Abbott, ne s'est pas arrêté là. Il a examiné tout ce qu'une centrale nucléaire implique et ce à quoi pourrait ressembler un monde qui en compterait 15 000. Toute centrale nucléaire doit être démantelée dans les 60 ans d'exploitation en raison des fissures inévitables qui se produisent du fait des radiations, sauf sur les surfaces métalliques. Dans un monde qui en compterait 15 000, il faudrait que chaque jour, quelque part dans le monde, une centrale soit construite et une autre démantelée. Actuellement, il faut environ 10 ans pour en construire une et 20 ans pour la démanteler. On est loin d'une centrale par jour. En ce qui concerne la question épineuse et effrayante des déchets nucléaires, il n'existe pas de méthode sûre et largement acceptée pour leur traitement et leur stockage. Même avec le nombre actuel de centrales, représentant une fraction minuscule des 15 000 qui seraient nécessaires. Les accidents risquent également d'augmenter avec la multiplication de ces centrales. À l'heure où j'écris ces lignes, 11 accidents nucléaires avec fusion totale ou partielle du cœur ont déjà eu lieu. Passer à 15 000 centrales signifie qu'il pourrait se produire chaque mois un accident majeur quelque part dans le monde. Par ailleurs, avec autant de réacteurs en opération, il deviendrait presque impossible de restreindre la prolifération des armes nucléaires, même si tous les pays étaient autorisés à les construire par la communauté internationale, ce qui ne sera jamais le cas. De nombreux autres scientifiques indépendants ont aussi noté que les partisanes d'une réponse nucléaire au problème de l'énergie évitaient de faire face aux limites fondamentales identifiées par Abbott et d'autres. La plupart des problèmes que mentionne Abbott affecteraient également les potentiels réacteurs de fusion nucléaire, et ce, bien qu'une fusion viable commercialement ne sera pas disponible avant plusieurs dizaines d'années, voire jamais, malgré les reportages réguliers des médias sur d'apparentes percées technologiques. Le rêve d'une utopie où le monde serait alimenté par des réacteurs à fission ou à fusion est tout simplement irréalisable, a déclaré Abbott, interrogé sur son étude. Nous voici donc revenus à une situation où l'énergie nucléaire fournit 10% de l'électricité mondiale, proportion qui pourrait doubler d'ici à 2050 si les gouvernements appliquent leur plan d'action, et si l'effondrement des sociétés modernes n'interrompt pas ces plans avant. Comme la lecture de ce livre le montrera, il serait surprenant que tout se passe aussi bien. La menace d'un effondrement de la société est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes sont si préoccupées par l'énergie nucléaire. On peut légitimement craindre qu'une société qui ne fonctionne pas correctement ne soit pas en mesure d'entretenir les centrales et leurs déchets en toute sécurité. Cela devrait nous donner matière à réflexion à l'heure où des gouvernements envisagent de construire de nouvelles centrales nucléaires. Toutefois, certaines commentatrices vont plus loin et affirment que l'effondrement des sociétés au plan mondial entraînera l'extinction de l'humanité à court terme en raison de la fusion de centaines de réacteurs nucléaires et de la libération incontrôlée de radiations, contrairement aux accidents passés où des sociétés en état de marche ont réussi à contenir partiellement certains effets. J'ai entendu parler de ces inquiétudes pour la première fois en 2017 et j'ai entrepris des recherches sur le sujet. J'ai découvert que certaines tentent de dissiper ces craintes en multipliant les effets de Tchernobyl et de Fukushima par 200 pour simuler le nombre de centrales dans le monde. Cependant, il s'agit d'accidents quelque peu circonscrits, du moins au moment où j'écris, et ils pourraient continuer d'engendrer davantage de pollution. Et j'ai également découvert que l'argument selon lequel l'extinction de l'humanité se produirait à la suite de fusions et de retombées incontrôlées n'a pas été étayé scientifiquement. J'ai échangé avec des partisans de la théorie de l'extinction humaine d'origine nucléaire qui m'ont répondu de manière évasive et m'ont demandé de ne pas les mentionner publiquement. C'est pourquoi je citerai un blog du domaine public sur ce sujet, rédigé par l'un de ses partisans, le docteur Guy MacPherson. Sa théorie est que les niveaux de radiation nucléaire conduiraient à des mutations qui, sur une période non spécifiée, tueraient tous les mammifères tout en conduisant à une réduction des niveaux d'ozone dans la haute atmosphère, suffisante pour entraîner la mort d'une grande partie de la vie sur Terre. Cette théorie n'évalue pas le potentiel de rayonnement total résultant d'une fusion totale incontrôlée de toutes les centrales et de la combustion des installations de stockage. Quel niveau de radiation détruirait la vie des mammifères, ni combien de temps cela prendrait? Ou encore, quel niveau de rayonnement serait nécessaire pour éliminer de manière significative l'ozone de la haute atmosphère terrestre? À l'heure actuelle, cette théorie ne repose donc que sur de simples spéculations, présentées comme des faits avérés pour clore toute conversation sur l'avenir de l'humanité post-effondrement. Je continue de croire que cette question est si importante que nous avons besoin de recherches indépendantes et de meilleure qualité sur le sujet. Une question plus urgente est le manque d'attention accordée à l'adaptation au changement climatique dans le secteur nucléaire. Par exemple, la feuille de route de l'industrie nucléaire britannique prévoit de fournir 40% de l'électricité du pays d'ici 2050. Or, alors qu'elle se présente comme une réponse nécessaire à la crise climatique, aucune mention n'a été faite de l'adaptation au changement climatique lors de son lancement. Pourtant, plusieurs centrales nucléaires ont été mises à l'arrêt en France en 2022, lorsque les rivières fournissant les eaux de refroidissement se sont asséchées du fait de la sécheresse. C'est un rappel brutal. Il est dangereux et absurde d'émettre des prévisions de production d'énergie future tout en ignorant les changements climatiques sans précédent qui sont à l'œuvre. Face à ces différentes limites de l'énergie nucléaire, l'échappatoire des écomodernistes est, une fois de plus, de croire que la technologie nous sauvera, et ils mettent en avant toute une série de nouveaux réacteurs expérimentaux. Croyez-le ou non, je suis un peu geek, et je m'intéresse suffisamment à ce genre d'idées pour me documenter. Les installations que j'ai examinées sont appelées réacteurs à sel fondu. Contrairement aux autres types de réacteurs dans le monde, ces derniers ne peuvent pas entrer en fusion, ne pressurisent aucune substance, ne peuvent pas libérer d'isotopes dangereux dans l'air, peuvent être conçus pour s'arrêter par le simple effet de la gravité en cas de problème, et n'ont pas besoin d'être situés à proximité de l'eau, ce qui évite les problèmes d'inondation ou de sécheresse. Point crucial, ils peuvent utiliser les déchets de plutonium comme source de combustible et produire des déchets beaucoup moins dangereux. Ils réduisent ainsi la production de quantités de matière extrêmement dangereuses qui, dans le cas contraire, demeurent mortelles pendant des dizaines de milliers d'années. En raison de préoccupations réalistes concernant les dangers du transport du plutonium vers les nouveaux réacteurs nucléaires, l'une des meilleures options consisterait à construire des réacteurs PRISM à proximité des sources de déchets de plutonium. Ces réacteurs seraient aussi suffisamment éloignés de la côte et leur construction tiendrait compte des scénarios les plus défavorables concernant l'élévation du niveau de la mer. Une autre option est celle des réacteurs à sel fondu utilisant un combustible moins dangereux qui ne peut pas être utilisé pour des armes, créés par des usines de retraitement situées à proximité des déchets de plutonium. En outre, une nouvelle génération de réacteurs à sel fondu au thorium utiliserait du plutonium mélangé avec du thorium, un métal largement disponible, pour produire de faibles niveaux de déchets. Cela contribuerait ainsi à résoudre la crise des déchets de plutonium. Je m'intéresse à ces technologies principalement en raison de la possibilité de réduire le problème terrifiant des déchets nucléaires existants. Cependant, les problèmes d'approvisionnement en métaux rares aux noms étranges que j'ai mentionnés précédemment s'appliquent également à ces nouveaux types de réacteurs. Ils limitent fondamentalement la capacité de ces derniers à alimenter le monde en énergie. Par conséquent, le rêve écomoderniste s'évanouit une fois de plus dans la froide lumière de la réalité. Le pic du brut. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que l'alerte qu'on a entendue par le passé au sujet du pic pétrolier, qui mettait en garde la société contre notre vulnérabilité énergétique, n'était pas erronée. Simplement, elle a été émise un peu trop tôt et de manière trop générale. Cet avertissement a été lancé pour la première fois il y a plusieurs décennies. Il prévoyait que la production mondiale totale de pétrole atteindrait bientôt son maximum et commencerait à diminuer, créant ainsi des tensions au sein de l'économie mondiale. Si cette alerte était trop générale, c'est parce qu'elle ne faisait pas de distinction vis-à-vis des différents types de combustibles fossiles qui entrent en jeu. Le pétrole brut offre un taux de retour énergétique, TRE, très élevé. Cela signifie qu'on peut capter une grande quantité d'énergie sans avoir besoin d'en dépenser beaucoup pour l'obtenir. Le brut a été le principal combustible à l'origine du développement et de la diffusion des sociétés de consommation industrielle. Mais au cours des dernières décennies, les combustibles fossiles non conventionnels sont devenus des éléments importants de l'approvisionnement énergétique, notamment les sables bitumineux, le pétrole de schiste et les liquides de gaz naturels ou fossiles. Les deux premiers sont plus difficiles et plus coûteux à produire, et le troisième a un contenu énergétique inférieur à celui du brut. Par rapport à ce dernier, les trois ont donc un TRE inférieur. Au niveau sociétal, c'est comme si certains de nos esclaves énergétiques avaient cessé de faire un travail utile pour nous, parce qu'ils sont obligés d'aller chercher d'autres esclaves énergétiques. Lorsque les sociétés développent une plus grande dépendance à l'égard des sources d'énergie dont le TRE est plus faible, les implications de tels changements sont complexes. Mais quoi qu'il en soit, ils ne bénéficient évidemment pas à l'efficacité de la plupart des processus industriels. Certaines chercheurs-chercheuses sont allés trop vite en besogne en affirmant que la production de pétrole brut conventionnel avait atteint son pic vers 2005. Mais cette production, à l'échelle mondiale, a bel et bien commencé à décliner de façon constante 10 ans plus tard. Depuis 2015, la demande d'énergie a augmenté et la consommation totale de tous les combustibles fossiles s'est accrue. Mais aucune perturbation politique particulière n'explique cette diminution dans la production du brut. Par conséquent, cette absence de croissance dans sa production semble révéler un pic plutôt qu'une simple pause. D'après les informations fournies au chapitre 1, 2015 est l'année précédant le début de la baisse du niveau de vie dans la plupart des pays du monde et dans toutes les régions du monde. Certaines chercheurs-chercheuses établissent d'ailleurs un lien entre ces baisses de niveau de vie et la diminution du TRE des sources d'énergie. Malheureusement, comme je l'ai montré plus tôt lors de ma discussion sur l'utilisation des combustibles fossiles en général, le pic du pétrole conventionnel n'est pas le signe d'une transition vers une nouvelle société basée sur les sources d'énergie renouvelables. Une discussion polluée par les industries de l'énergie. Les discussions au sujet des projections réalistes qu'on peut élaborer concernant les scénarios énergétiques futurs sont polluées par des intérêts commerciaux et par les expertes qui défendent ces intérêts. L'industrie nucléaire, en particulier, ne veut surtout pas entamer l'enthousiasme des propriétaires potentiels, des assureurs et des régulateurs à l'égard de leurs plans de développement pluridécennaux pour leurs nouvelles centrales. Cela augmenterait les coûts de ces plans d'affaires. Par conséquent, toute mention de limite à long terme pour le nucléaire est malvenue. Plus encore, si leur partie prenante considérait que l'effondrement de la société était possible, probable ou même déjà en cours, cela constituerait une menace pour la viabilité et la rentabilité de leurs entreprises. Leurs intérêts sont à l'opposé de ceux des personnes qui affirment, de manière crédible, que les scénarios climatiques les plus pessimistes sont en fait plausibles. Chapitre 5. Les agences de sécurité nationale des pays dotés d'armes nucléaires souhaitent également que leur secteur nucléaire continue à fournir les matériaux nécessaires à la fabrication de ces armes. Il s'agit d'intérêts particuliers puissants et sophistiqués pour lesquels il est essentiel de façonner notre compréhension de la science de l'énergie ainsi que des sciences sociales. Lorsque j'ai mentionné que certaines scientifiques s'inquiétaient de la façon dont l'effondrement de la société pourrait conduire à des effondrements nucléaires susceptibles d'entraîner l'extinction de l'humanité, les auteurs d'un article publié sur le site Open Democracy ont laissé entendre que je soutenais cette thèse et l'ont ensuite ridiculisée. Ce faisant, ils invitaient leurs lecteurs, lectrices à rejeter tous mes travaux sur les risques d'effondrement, ainsi que ceux de toute personne travaillant sur des scénarios d'effondrement similaires. Deux de ces auteurs sont des scientifiques nucléaires, bien qu'ils étaient présentés comme des militants d'Extinction Rebellion, nourrissant des inquiétudes vis-à-vis de mon travail. Confirmant les malentendus suscités par cet article, le magazine New Internationalist a ensuite déclaré que son journaliste avait été induit en erreur et que, croyant que je soutenais l'argument d'une extinction induite par le nucléaire, il avait décidé que c'était une base pour affirmer que j'étais un catastrophiste, doomer, réfractaire à la science. En réponse, Open Democracy, après avoir désinformé ses lecteurs, lectrices pendant plus de 2 ans sur le manque de crédibilité de l'anticipation de l'effondrement et l'invalidité d'une approche basée sur l'adaptation radicale, a fini par publier une clarification pour en discuter les implications. Au cours de cette période, de plus en plus d'activistes climatiques ont décidé de rejeter le catastrophisme, doomisme, et de soutenir publiquement de nouveaux projets nucléaires. Entre-temps, un certain nombre de centrales nucléaires ont reçu le feu vert grâce à des financements publics dans différents pays. Le type de diabolisation dont j'ai fait l'expérience influence les gens de manière subtile. Par exemple, de nombreuses personnes ont supposé que je croyais vraiment tout ce que prétendaient les critiques volumineuses de mon travail. Je me demande maintenant dans quelle mesure j'ai pu être manipulée, au fil des ans, pour être amenée à considérer de façon négative les chercheurs-chercheuses qui révélaient les limites des technologies renouvelables et l'impossibilité d'une transition zéro émission carbone. Voir le chapitre 5. Peu de gens ont le temps de faire des recherches de leur côté. La diabolisation est donc un moyen puissant de nous maintenir dans l'ignorance, même lorsque l'on travaille dans des domaines connexes. Aujourd'hui, une nouvelle coalition rassemblant des investisseurs-investisseuses dans les énergies renouvelables et des défenseurs-défenseuses du climat s'est formée autour du thème de la décarbonation. Cette coalition pourrait entretenir des illusions sur l'avenir du secteur énergétique. Il est assez curieux de constater que même les instances de sécurité nationale s'inquiètent de leur influence potentielle sur le domaine politique. Des courriels ont fait l'objet d'une fuite impliquant Gwythian Prince, un universitaire de haut rang ayant des liens étroits avec les agences de sécurité au Royaume-Uni, et l'ancien chef de l'agence de renseignement britannique MI6, Richard Dearlove. Dans ses messages, l'influence des militants militantes pour le climat est considérée comme un problème de sécurité nationale, car perçue comme risquant de compromettre l'engagement du pays en faveur du gaz et de l'énergie nucléaire. Apparemment, si Prince et Dearlove n'ont pas tenu compte des énergies renouvelables, c'est pour des raisons similaires à celles que j'ai exposées dans ce chapitre. Mais le sujet était trop brûlant pour les médias grand public et il n'y a eu aucune discussion sur la magie noire déployée par des intérêts particuliers pour façonner le débat sur l'énergie en Grande-Bretagne ou ailleurs. si nous pouvions avoir une discussion plus honnête et moins manipulatrice sur l'avenir de notre énergie, nous comprendrions alors l'ampleur des dégâts causés par la poursuite d'un mirage qui ne profite qu'à quelques-uns et quelques-unes. Par exemple, l'AIE a indiqué que les impacts environnementaux résultant de la décarbonation d'une plus grande partie de l'économie mondiale causeront d'énormes dégâts en raison de l'extraction de la terre et des déchets toxiques issus des processus d'extraction et de raffinage. Pire encore, une analyse de l'emplacement des minéraux essentiels a révélé qu'ils se trouvent souvent dans des zones écologiques préservées, peuplées d'êtres humains choisissant de vivre à l'écart des sociétés modernes. Ces mêmes sociétés qui veulent s'approprier les métaux qui se trouvent sous leurs pieds. Les chercheurs Christophe Zografos et Paul Robbins ont donc conclu que l'expansion des énergies renouvelables, telle qu'elle est prévue dans les programmes de type Green New Deal, je cite, pourrait exercer une forte pression sur les terres détenues par les communautés indigènes et marginalisées et transformer leurs écologies en zones sacrifiées au nom de l'écologie. Green Sacrifice Zones. Fin de citation. Cela ressemble à la reproduction d'une forme de colonialisme climatique au nom d'une transition équitable. En outre, n'oublions pas que pour tenter de décarboner l'économie d'une société moderne, il faut maintenir en place les relations, inégales au plan mondial, qui génèrent le pouvoir d'achat de ce pays sur les marchés et permettre à des multinationales de détruire les terres des peuples autochtones et marginalisés dans le monde entier. L'agressivité qui peut surgir lors de discussions sur ces sujets suggère qu'il y a autre chose en jeu que de simples préoccupations commerciales ou de sécurité nationale. Notamment, toute évaluation réaliste de l'insoluble problème énergétique des sociétés modernes touche un point sensible, ayant trait au récit de contrôle et de progrès qui domine l'humanité à notre époque. En tant que tel, ce genre d'évaluation menace la vision du monde et l'identité des personnes qui s'intéressent à ce sujet. C'est peut-être la raison pour laquelle mes collègues et moi-même avons été qualifiés d'anti-humanistes et de primitivistes, même dans des publications autrefois radicales comme The Ecologist. L'auteur incriminé est un défenseur des propositions venues du Parti travailliste britannique visant à décarboner le pays en accordant des subventions publiques aux technologies à faible émission de carbone. Comme de nombreuses commentateurs-commentatrices occidentaux-occidentales situés à gauche, il se concentre sur la technologie comme moyen de résoudre les crises de l'énergie et du climat, tout en diabolisant toute discussion sur la nécessité de réduire équitablement la consommation d'énergie des sociétés modernes. Pour certains, certaines des militants, militantes autochtones et de la classe ouvrière avec lesquels je communique, l'argument selon lequel la technologie peut résoudre les dommages causés par l'exploitation capitaliste doit être vu comme la tactique provenant d'une gauche synthétique, c'est-à-dire issue de personnes revendiquant un engagement critique et politique de gauche, mais reléguant l'anticapitalisme au second plan, ou le considérant même comme une impasse. Cette gauche est également synthétique, dans la mesure où ses partisans-partisanes font en sorte de paraître radicaux, radicales, responsables et tournés vers le collectif, mais uniquement dans le cadre des paramètres étroits définis par les entreprises et leurs pouvoirs. Au plan international, la gauche synthétique s'allie aux récits et aux financements associés aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Comme nous l'avons vu au chapitre 1, ces objectifs évacuent la question de l'exploitation capitaliste et présupposent que le monde entier serait mieux loti si davantage de personnes étaient incorporées au sein des sociétés de consommation industrielle. Ils reposent donc sur un mensonge fondamental concernant la disponibilité énergétique future. Face à cette réalité déprimante, certaines personnes ont recours à la fantaisie. Il ne nous reste plus qu'à trouver le moyen de faire redémarrer la Grande Pyramide, qui est une grande centrale électrique. Belle idée ! Il suffit de revenir aux idées de Nikola Tesla et de créer l'énergie libre à partir de la haute atmosphère, une de mes préférées. ou encore cette perle irrésistible prononcée par l'un de mes amis. Nous devons utiliser la télépathie pour rappeler les extraterrestres qui ont donné à l'Atlantide ces technologies. J'espère sincèrement que nous trouverons une solution magique à tous nos problèmes. Mais en attendant, je resterai rationnellement déçu de notre situation. Comme moi, vous pouvez trouver de telles idées stimulantes. Mais la civilisation industrielle ne tirera pas son énergie de fascinantes vidéos YouTube ou de docu-séries Netflix. Bon nombre des idées éco-modernistes ne sont pas plus rationnelles que ces rêveries fantaisistes de salut énergétique. Selon moi, notre perception de l'avenir de l'énergie est troublée par les effets du pouvoir de l'argent qui monopolise les systèmes de financement. Ce pouvoir façonne ce que nous choisissons de voir et de promouvoir et ce qui est choisi pour nous. Cela me rappelle qu'il est important d'encourager l'exercice de la pensée critique en nous-mêmes et entre nous afin de pouvoir mieux naviguer au sein de divers domaines d'intérêt public dans les années à venir. Ce sera d'autant plus nécessaire que nos sociétés vont devenir de plus en plus perturbées et anxieuses. Chapitre 8. Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, pour faire preuve d'un tel esprit critique, il faut être plus conscient, consciente, des aversions intérieures qu'on peut éprouver à l'égard de certaines idées et informations. En explorant les tenants et aboutissants d'un sujet, on peut perdre de vue sa propre aversion envers les vérités simples mais dérangeantes. Dans mon cas, je ne voulais pas reconnaître que les sociétés de consommation industrielle sont définies par la consommation d'énergie. Sans combustible fossile ou une énergie équivalente provenant d'autres sources, ces sociétés cesseraient d'être des sociétés modernes telles que nous les connaissons. Dans ces sociétés, notamment en raison des systèmes monétaires expansionnistes, l'individu n'est pas incité à réduire sa consommation d'énergie, dès lors que cela implique de renoncer à un profit ou à un confort personnel. Au contraire, en tant qu'individu, organisation et nation, nous sommes poussés à maximiser le profit. Si l'on n'adhère pas à cette doctrine, on perd du pouvoir vis-à-vis de ses pairs. C'est pourquoi nous sommes si peu nombreux, nombreuses, à renoncer volontairement à nos 100 esclaves énergétiques, si nous les avons déjà. C'est également la raison pour laquelle experts expertes et politiciens politiciennes parlent d'une utilisation plus efficace de l'énergie ou de l'utilisation de sources d'énergie plus durables, mais presque aucune de ces personnes n'essaye de pousser nos sociétés à utiliser moins d'énergie en général. Ces dernières années, de nouveaux champs de recherche sont apparus qui explorent la possibilité d'amélioration sociale indépendante de l'expansion économique. C'est une évolution positive. Il s'agit des domaines de la décroissance et de la post-croissance que j'examinerai au chapitre 11 et 12 au moment de présenter des pistes d'action. Il est extrêmement difficile de rendre attrayantes auprès du grand public les perspectives issues de ces réflexions. Comme le dit Jean-Marc Jancovici, lorsque vous mettez de la physique dans l'économie, vous obtenez des résultats qui ne sont pas très faciles à vendre lors d'une élection. Fin de citation. Par conséquent, il est peu probable qu'une réduction de la consommation énergétique des sociétés modernes soit volontairement adoptée au sein de politiques publiques. Cela donne à réfléchir à celles et ceux d'entre nous qui s'interrogent sur les stratégies viables de changement social. Chapitres 11 et 12. L'analyse énergétique présentée dans ce chapitre a des implications déprimantes pour le climat du futur. Peut-être que si les hippies avaient pris le pouvoir en Occident dans les années 1970 et commencé sérieusement à décarboner et à réduire la consommation d'énergie de leur société, nous aurions eu une chance réaliste d'éviter un changement climatique dangereux. Mais à l'heure où j'écris ces lignes, l'utilisation des combustibles fossiles continue d'augmenter. Un changement climatique dangereux est désormais inévitable. D'ailleurs, il est déjà en train de se produire. Chapitre 5. On ne sait pas encore quels seront ses impacts sur l'avenir de la production et de la distribution d'énergie, mais il est sûr que réseaux, ports et autres infrastructures seront de plus en plus perturbés. De toute évidence, la relocalisation de la production d'énergie sera l'un des moyens de gagner en résilience face à de telles perturbations et de rétablir des modes de vie moins gourmands en énergie. Oui, moi aussi, je déteste cette conclusion. La dépendance énergétique de notre mode de vie est une vérité bien plus dérangeante que ne veulent l'admettre la plupart des écologistes que je connais. Moi-même, je ne voulais pas l'accepter. Au fur et à mesure que je parvenais à mes conclusions, je me demandais comment elles seraient perçues au sein de mes cercles professionnels. Non seulement une grande quantité de capital risque est aujourd'hui investie dans les énergies renouvelables, mais tant d'espoir repose sur elles. Ces technologies jouent un rôle dans la justification psychosociale d'une obéissance placide à l'ordre économique et politique actuel. Ayant changé d'activité et de mode de vie, je peux désormais prendre le risque professionnel de partager ces points de vue dérangeants et d'attendre l'opprobre. Mais pour éviter tout malentendu, je vais maintenant tenter de résumer ce qui me semble être les leçons importantes à tirer de l'examen des fondements énergétiques des sociétés modernes. Les combustibles fossiles sont essentiels au mode de vie des humains modernes et ne peuvent être éliminés rapidement sans entraîner de terribles conséquences pour les besoins fondamentaux des gens. Cela équivaudrait à un effondrement de la société. Essayer d'éliminer rapidement les combustibles fossiles entraînerait aussi des réactions politiques qui pourraient même accélérer cet effondrement. Les efforts importants qui ont lieu dans différents pays pour décarboner l'économie d'une manière plus organisée et socialement plus juste, sont malheureusement compromis par le système monétaire expansionniste. En effet, ce dernier exige une augmentation continue de la consommation d'énergie pour assurer la stabilité économique. Cela signifie qu'au lieu de remplacer les combustibles fossiles, les sources d'énergie renouvelables ne font que s'ajouter à l'utilisation actuelle de ces carburants fossiles. Si cette utilisation se trouvait délibérément limitée par des mesures politiques, les nouvelles énergies renouvelables ne permettraient pas la poursuite de la croissance économique exigée par notre système monétaire expansionniste, ce qui entraînerait un effondrement financier. Et si aucune politique de ce type n'était mise en place, et que les sociétés modernes s'efforçaient de maintenir une consommation de combustibles fossiles à peu près stable, avec un complément d'énergie renouvelable en plein essor, le déclin du niveau de vie se poursuivrait probablement car le pic de production de pétrole conventionnel a été atteint et les autres sources d'énergie offrent un taux de retour énergétique plus faible. En plus de ce déclin constant, l'expansion continue des sociétés de consommation industrielle continuerait à épuiser et à polluer les fondements environnementaux de ces dernières et conduirait donc à un moment donné, à un effondrement plus brutal encore. C'est pourquoi nous ne pouvons pas décarboner l'économie, ni au rythme exigé par les militants-militantes, ni à celui auquel les politiciens-politiciennes font mine de croire. Ainsi, leurs disputes ne sont qu'une comédie qui nous détourne de la réalité. Il est bien sûr nécessaire de réduire nos émissions carbonées, mais il est tout aussi impératif de dire la vérité. Nous vivons dans une civilisation des hydrocarbures et celle-ci touche à sa fin. Il n'y a pas d'échappatoire technologique. Les sociétés modernes doivent réduire leur consommation d'énergie. Et à moins que le système monétaire expansionniste ne soit transformé ou ne s'effondre, il sera pratiquement impossible d'atténuer, ne serait-ce qu'un tant soit peu, les impacts de la catastrophe. En 2007, j'étais naïvement optimiste et j'avais tort à propos d'Elon. Comme moi, Elon lui-même et beaucoup d'autres personnes attentives aux crises énergétiques et environnementales finira par comprendre la vérité. Les pays riches et les individus les plus riches doivent réduire leur consommation d'énergie. Et à moins d'y être encouragés par le reste du monde, il est peu probable qu'ils le fassent. L'existence, ici et là, de quelques décroissants, décroissantes de classe moyenne ne suffira pas. J'examinerai les implications stratégiques de ces observations dans la seconde moitié de l'ouvrage.